Et voilà. Premier sujet, 126, la confusion. Quand on parle de confusion, on parle d'une distorsion dans l'information, principalement. J'ai toujours dit, la vie se vit à travers une lecture. Et puis, si on parle de lecture et puis qu'on parle de confusion, ça veut dire qu'il y a une distorsion dans l'information et principalement liée entre ce que la mémoire s'attend et ce que les forces vous font faire. Il y a deux sources d'information, vous le savez, la mémoire a beaucoup, beaucoup d'influence sur le comportement humain. C'est pas nécessairement une mémoire qu'on se rappelle, ça peut être une mémoire cellulaire, ça peut être un geste que vous êtes habitué de placer ou de faire, puis il y a quelque chose qui se déplace, puis vous pensez pas, ça se fait, c'est réflexe. Et puis là, oups, il y a quelque chose qui se déplace, puis là, vous échappez, puis ça vous crée une toute confusion parce que c'est pas à la place que vous êtes habitué de faire. Bon. Donc, c'est sûr qu'une des phases dans la confusion où on peut s'attendre à être le plus confus, c'est quand une chose qui est rendue réflexe se déplace et se fait d'une façon différente de par le biais des événements qui peuvent, exemple, conduire l'hiver, vous êtes habitué, ça se fait. Là, il y a un spot de glace, ça s'appelle la glace noire, des choses du genre. Ça va vous créer un effet de confusion dans votre conduite parce que vous allez déraper, alors qu'en temps normal, dans la même situation, vous ne dérapez pas. Donc, il y a confusion dans votre mode réflexe. Il y a une confusion entre ce que la mémoire est habituée de traiter mécaniquement et l'événement dans lequel vous êtes placé. Bon, ça, c'est une confusion qui est facile à reclasser. Parce qu'un autre aspect de votre mémoire va dire, ah, tu te souviens, tu as déjà vécu cette glissade-là. T'sais, ça ne sera pas aussi détaillé de vous dire le 3 février 1987, là, ça n'ira pas jusque-là. Mais vous allez avoir comme une mémoire cellulaire qui va vous rappeler la situation. Puis là, vous allez pouvoir, dans votre mémoire, faire une correction de perception. Bon, ben, quand vous corrigez votre perception par le biais de l'intellect, ben, à ce moment-là, vous n'êtes pas configuré à vivre cette confusion-là comme une forme d'obsession, mettons. OK? L'obsession, ça devient une information confuse qui essaie de se fixer dans une certitude ou dans une conviction. OK? Fait qu'une personne, exemple, va avoir une information de la nature des choses et puis n'étant pas capable de trouver dans sa mémoire quelque chose qui peut corriger, ben là, elle va devenir obsessive de vouloir savoir quelque chose. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, tu sais, vous avez, il y a quelque chose qui vous échappe au niveau de votre lecture. Et puis, là, vous voulez absolument comprendre. Tu sais, c'est comme exemple, quelqu'un qui perd un enfant. Il perd un enfant, puis c'est tellement pas normal de pas avoir son enfant qu'elle veut absolument savoir qu'est-ce qui s'est passé, même si on lui dit, il est mort, madame, il s'est noyé, talala. Puis elle veut savoir pourquoi, elle va aller voir des cartomanciennes, se faire expliquer s'il n'y avait pas quelque chose dans une autre vie qui allait occasionner quelque chose. Vont venir voir des gars comme moi pour se faire expliquer astrologiquement s'il y avait des lunes qui étaient mal placées ou des aspects mal placés. Mais ils veulent absolument comprendre. Fait que ça devient obsessionnel, l'effet de confusion. Vous me suivez? Donc, tout ce qui est relié à la mémoire et donc à de l'information mécaniquement enregistrée, la confusion va engendrer là-dedans deux choses possibles. La première affaire, ça va être dans la recherche d'une correction, ça va être de vouloir se créer une lecture inhabituelle. Tu sais, c'est comme. Tu sais, si quelqu'un est bien, bien rationnel, puis qu'il vient voir un gars comme moi qui est dans le domaine de l'astrologie ou de l'occulte, ces choses-là, ben, il va avoir une lecture qui est inhabituelle pour cette personne-là, mais c'est comme... c'est ça, ça sort de l'habitude, mais ça veut se placer dans un registre ou une couverture qui va de toute façon donner une explication. Tu sais, c'est comme... Je peux pas me l'expliquer par les médecins, je peux pas me l'expliquer par les géographes, mon GPS me l'indique pas, mais il doit y avoir quelqu'un qui est capable de me l'expliquer. Fait que la confusion va vous amener, s'il y a vraiment une obsession, là, la confusion va vous amener à aller chercher une lecture inhabituelle, dans un cadre qui est inhabituel. Moi, avec les forces, c'est comme si à un moment donné, là, je comprends pas, là, que les coyotes me choisissent mes abyssins. Mané, je vais dire, ben, fuck, ça doit ressembler à un lièvre, puis ils sont habitués de chasser du lièvre l'été, puis l'abyssin a la même couleur que le lièvre. Tu sais, c'est pareil comme un lièvre. Fait qu'ils chassent le lièvre. Mais c'est inhabituel comme explication. Mais je veux savoir, tu sais, je vais aller dans le bois pour chercher s'il n'y aurait pas des touffes de poêle ou des ossements, des choses de genre. Puis Mané, je vois rien, je trouve rien, puis je veux absolument savoir. Là, il faut que j'aille dormir, rêver, puis donner du crédit à un rêve où il y a un coyote qui part après mes chats, puis quitte. Ça cherche à savoir. Vous me suivez jusque-là? Bon, je ne dis pas que vous êtes capable de toujours donner une crédibilité à de l'inhabituel, mais vous allez faire des gros efforts. Puis souvent, les forces, ils vont vous placer dans cette espèce de recherche très, très, on va dire, flyée, ésotérique, appelez ça comme vous voulez, pour vous faire changer vos habitudes de fonctionnement au niveau de la perception. Tu sais, parce que si vous restez tout le temps habitué à interpréter, vous allez être une personne convaincue et développer un fanatisme. Un fanatique, c'est quelqu'un qui se donne toujours les réponses à partir de « Allah » ou de « ci » ou de « ça ». Mais il y a toujours comme une configuration qui dit « Ah, c'est la volonté de Dieu pour les Haïtiens. Comment c'est ça qu'il disait ça? Dieu le voulait? Dieu voulait, c'est ça. Puis un autre, c'est d'autres choses. Puis ça va aller dans du mystique ou de la mystification. Et la confusion, si vous n'avez pas, comme je vous ai dit, là, une mémoire qui corrige par réflexe, là, comme des effets de température, des affaires de même, là, ça peut s'en aller, la confusion, dans une démarche avec une lecture inhabituelle, occultée, on pourrait dire carrément une lecture occulte, mais c'est surtout inhabituel, parce que des fois, tu peux avoir la réponse très, très logique de quelqu'un qui va dire, ben oui, ben, tu sais, Coyote, parle un peu ton chat... C'est le genre d'animal qui est le plus accessible. Blablabla. Puis là, il va te donner une réponse logique qui est ça. Mais que toi, tu veux ça plus compliqué que ça. Tu sais, tu veux que ça soit dû à quelque chose de les farfadets ou les les petits lutins dans le bois, n'importe quoi. Tu sais, fait que ça dépend toujours de la nature de ta souffrance. Plus tu souffres, plus il faut que ça soit ésotérique, que ça se rapproche de l'aspect divin, des forces et plans, puis de toutes sortes de bébêtes. Tandis que pour être quelqu'un qui est bien, bien logique, un chat, c'est un chat, là, ben, il s'est fait bouffer parce que, bon, il était brun, puis l'autre, il avait l'air à penser que c'était du chocolat, puis, tu sais, là, tu sais. Dépendant de comment est-ce que votre mental est tourné, est structuré, l'inhabituel, ben, c'est simplement fonction de ce facteur-là. Dans mon cas, comme étant donné que je lis tout le temps à partir d'un événement, ben il n'y a pas de hasard entre le chat puis ma vie à ce moment-là, puis les éclipses, puis tu sais, fait que tout est raccordé dans un événement global. Fait que comme dans ce temps-là, je suis en train de régler des bébelles de relations personnelles avec du monde dans mes groupes, ben je perds de mes chats par le conflit qu'il y avait dans mon groupe. Tu sais, c'est ma lecture à moi parce que je suis rendu à ces registres de perception-là. Bon. L'autre facteur qui peut influencer ou qui peut créer un effet de confusion, c'est la confusion de l'autre. Vous êtes probablement pas capable de vous isoler du magnétisme d'une personne et puis conséquemment de voir que l'autre, dans son magnétisme, influence votre propre magnétisme. Surtout si vous dormez avec quelqu'un. Tu sais, mettons que quelqu'un dormirait avec un enfant, l'enfant pourrait capter des pensées qui sont trop, on va dire, trop avancées pour lui, puis le jeune, il se lèverait le matin, puis il se cognerait partout, parce que le magnétisme de l'autre qui est troublé par des problèmes de finances, des problèmes de responsabilité, ou peu importe la nature du problème, bien l'enfant, lui, capte ça, et puis il sent mal, mais il sait pas pourquoi. Fait qu'il devient physiquement confus dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Pour ça, je dis tout le temps, c'est très mauvais qu'un enfant dorme avec ses grands-parents. Très, très, très, très, très mauvais. Ça le dévitalise, ça le bloque, parce que c'est des blocages qu'il ramasse. Et puis, il peut devenir facilement confus, avoir de la misère à étudier ou de la misère à comprendre des choses, parce que il est dans un champ d'énergie qui l'équilibre pas, comme tel. Donc, la confusion, c'est un différentiel entre une information qu'on pourrait qualifier de mécanique et une information qui est, on va dire, réelle. Il y a des informations vraies qui ne sont pas réels dans un temps donné, mais qui sont vrais dans un ensemble de données. Tu roules sa route, ça a 15, ça va bien, tu pognes un spot de glace, c'est inhabituel. Donc, ton information dans ton mental qui est vrai, si tu roules sa 15, c'est vrai. Mané, il y a quelque chose qui est dans la réalité, qui est un temps présent, qui ne correspond pas à la vérité de ton trajet. Et puis, à cause de la glace qu'il y a là, la réalité de la glace est confrontée à la vérité de bien rouler sa asphalte en temps normal. Vous me suivez? Pour ça, je fais tout le temps une différence entre être vrai et être réel. Pour moi, quelqu'un qui est réel tout le temps, il est toujours vrai, tandis que quelqu'un qui est vrai n'est pas toujours réel. Ça, c'est facile à comprendre, parce que la réalité, c'est un temps présent, la vérité, c'est raccordé à un passé qui se répète, qui est mécanique. OK? Donc, une personne qui est vraie dans un temps peut ne pas être réelle et pas vraie dans un autre temps. Tandis que la personne qui est réelle est vraie tout le temps. Parce qu'elle est toujours dans le temps présent. La confusion s'installe chez les gens qui sont vrais. Elle ne s'installe jamais sur les gens qui sont réels. Parce que la personne qui est réelle, elle va toujours traiter un jeu de confusion comme une mécanique qui change. Donc, pour lui, dans sa tête, c'est tout de suite, il faut s'adapter. Fait que si plus son potentiel d'adaptation est rapide, moins la confusion a de l'impact. Parce qu'il ne réfère pas à la vérité ou à une habitude ou à un comportement stéréotypé. Donc, c'est sûr que être confus, c'est deux informations qui se diffèrent, mais il y en a toujours une qui est la seule. Donc, il y en a une qui est discartée. Si tu discartes la bonne, celle qui engendre la confusion, puis tu gardes celle qui est réelle, ben là, tu n'auras jamais de confusion. Tu sais, quelqu'un va dire, mettons quelqu'un, une femme me dirait, moi, je t'aime beaucoup, Daniel. Je dirais, pourquoi? Puis, si elle n'est pas capable, elle dit, c'est pour l'ensemble. Ça, c'est pas réel. Ça peut être vrai, mais pour elle, mais c'est pas réel pour moi. Non, tu m'aimes pour une raison, parce que l'amour, c'est une forme de consommation. Tu consommes quelqu'un quand t'aimes quelqu'un, OK? Donc, qu'est-ce que tu veux consommer? T'sais, moi, je sais que ce que j'ai à consommer, c'est le culte, la perception qu'une personne peut se servir de... C'est ce que les gens peuvent se servir de mes perceptions occultes. Vous me suivez? Fait que c'est pour ça que je t'aimais. Mais tu peux pas dire « je t'aime dans son ensemble », parce que il y a dans les façons de vouloir, de vivre, puis de prendre des décisions, il y a un trop gros différentiel. Tu peux pas m'aimer dans la vitesse d'exécution que j'ai, parce que tu seras jamais capable de suivre. C'est, je suis piloté carrément par les forces, puis la personne, ben, elle aura jamais le dessus ses forces. Elle va toujours passer deuxième. Vous me suivez? Ben, tu peux pas aimer quelqu'un que tu peux pas dominer, ou contrôler, ou en tout cas prévoir les mouvements. Donc, elle est appelée à vivre beaucoup de confusion. Dans le mot « je t'aime ». Si elle dit « ouais, je t'apprécie beaucoup pour ce que tu me fais vivre », ah, ça, c'est plus réel. Là, il y a moins de confusion potentielle. Pour elle, toujours. Parce que pour moi, si je reste réel, je n'aurai pas de confusion. Je vais toujours regarder qu'est-ce qu'elle fait dans l'approche qu'elle a pour voir qu'est-ce qu'elle sert. Si elle sert toujours de la bonne affaire, je vais dire « t'es réel ». Puis en étant réel, ben on n'a plus de confusion. On a ce qu'on appelle un contre-clair. Tu sais, moi, je suis toujours en train de m'appliquer sur l'affaire d'avoir un contrat clair avec les gens. C'est quoi un contrat clair? C'est éliminer toute forme de confusion potentielle. Fait que si tu dis, quelqu'un qui parle pas, il se définit pas. Deux personnes qui se parlent, ils sont en perpétuelle définition. Selon le mouvement ou l'action ou ce qui génère comme vibration, ils vont savoir la conséquence de leur association où ça va mener. Tu sais, là, je regarde pour les pistolets, puis je me dis, ben, peut-être faire de l'argent avec ça. Si jamais, tu sais, les pistolets, ils se payent en 20 fois. Puis là, je regardais, je dis, il y a bien des gens qui n'ont pas essayé le pistolet, puis si je les emmène tirer du pistolet, puis tout le monde a tiré du pistolet, j'en aurais facile une vingtaine. Fait que le pistolet, il serait financé dans 3 mois. Puis après ça, c'est tout du profit. Fait que je dis, bon, là, qu'est-ce qu'il faut que je check? Mais les poignées... Ben, des femmes, faut que ça soit une petite poignée. C'est pis ça. C'est pas un pistolet que j'achète pour moi. C'est un pistolet que j'achète pour faire des accompagnements, comme mes carabines. Puis, là, faut que je définisse, mais le pourquoi j'achète le pistolet. Si moi j'achetais un pistolet, j'achèterais quoi? Ben, j'achèterais un gun de 4000 piastres de compétition. Mais je suis pas rendu là. C'est pas mon département. Puis ça, c'est pas payant parce que y a pas personne qui voudrait payer 75 piastres pour aller tirer un pistolet de compétition. Il veut juste essayer ça. Un petit gun de 700$, là, ça a plus d'allure. Fait que moi, j'élimine la confusion en me parlant. En me parlant, c'est en parlant avec les forces. Ça a-tu de l'allure? Là, ils vont me dire, je vais lui demander, je dis, c'est quoi les conditions qu'il faut que je remplisse pour... Fait que là, ils vont me dire, t'as besoin d'un code d'hiver, t'as besoin des terres à neige au mois de janvier. Puis là, ils me collent tout ce que j'ai à dépenser. Je dis, ouais, pff, le gun, ça va aller dans 2 ans. À peu près. Ben, je dis, si je remplis tout ça, je peux l'avoir après. Oui, tu peux l'avoir après avoir rempli toutes les conditions. Tabarnak. Ça, c'est être réel. Mais être vrai, c'est rêver, puis il me le faut dans 2 semaines que je parte le projet. Me suivez-vous? Fait que quand vous vendez à travers des rêves, une définition qui est basée sur le rêve, vous êtes placé en situation de confusion. Mais si vous êtes réel, vous regardez là, bon, qu'est-ce qui est prioritaire? Ben, tu sais, partir 16 kits dans l'âge, tu perds ton char, ça coûte pas mal plus cher que 700$ pour un gun. T'sais, on s'entend-tu? Fait que des bons pneus en neige, c'est vital. Là, ceux-là, ils sont bons pour jusqu'à, c'est ça, fin décembre max. Pour ça, il faut que je les change. Si je fais ça, j'agis comme ça, il n'y a plus de confusion. Ça règle des dossiers vitaux. Mais si vous ne réglez pas des dossiers vitaux puis que vous en allez dans un rêve, les sources de confusion sont énormes. Énormes, énormes, énormes. Donc, pour n'importe qui ne veut pas se faire trahir par lui-même dans le futur, il faut que son présent soit tout le temps à jour. Simple de même. La confusion, ça devient éventuellement un désordre mental, mais ça passe avant tout par une annonce d'un désordre physique. Ça devient un désordre physique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en va vers une confusion, donc une désorganisation dans votre structure de vie, c'est toujours un signe d'une grande confusion dans votre mode d'opération. OK? Placer les valeurs sur un rêve, placer les valeurs sur une réalité, c'est très, très, très différent. Bien différent. Les valeurs, ça, c'est qu'est-ce que tu payes pour. C'est le travail que tu fais pour. Comme de ce temps-là, là, j'ai lâché les balles, puis je fais des CD. En effet, cette semaine, pas loin de 200. Fait que je remplis mes cases, si j'en vends dans l'année, là, puis à un moment donné, bon, il faut que je remplisse mes cases, parce qu'il y a des trous, des numéros, des affaires de même. Et puis, c'est clair que pour moi, faire du CD, c'est plus payant que faire des balles. À 40 cents la balle, puis versus le même temps que je mets sur un CD, qui va me rapporter 12 piastres. Il y a une grosse différence, tu sais. Fait que là, si je fais pas ça, puis je continue à faire des balles, je me mets en marde, ça n'a pas d'allure. Vous voyez, même si je ferais 1000 balles. 1000 CD, c'est sûr que ça va être vendu dans les 3 ans qui s'en viennent. 1000 balles, c'est sûr que ça va être vendu à l'intérieur de l'année, mais ça ne rapporte rien. Vous me suivez? Donc, conséquemment, la confusion, elle vient de l'acte et de l'information. Tu es informé, tu dis non, puis tu sélectionnes qu'est-ce que tu as à faire, tu t'en vas de plus en plus vers le réel, tu élimines la confusion. Parce que le rêve, ça peut être un élément de confusion. Ça peut créer une distorsion dans votre tête. De l'éducation, c'est un travail pour éliminer la confusion chez un individu sur le long terme. T'étudies pour avoir une définition sociale. T'étudies bien des affaires qui sont pas dans le sens scolaire du terme. T'étudies le mode de vie des gens, la culture des gens, la langue des gens, la religion des gens, pour te faire une idée claire. Conséquemment, tu te bats contre la confusion pour connaître comment s'organise une société, comment s'organise une compagnie, comment s'organise un bien-être de vie, comment s'organise n'importe quoi dans la vie. Vous me suivez? Donc, quand vous avez, exemple, Facebook, Twitter, puis toutes ces bébelles-là, vous avez accès à beaucoup d'informations qui peuvent vous créer beaucoup de confusion, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent là-dessus, qui ont un mouvement collectif qui ne peut ne pas correspondre à votre réalité individuelle. Donc, c'est pas le médium qui est pas bon, mais c'est comment il est utilisé qui est pas bon, potentiellement. Ça peut être très bon. Moi, je regarde Facebook avec beaucoup de distance parce que une fois que tu as mis ton doigt là-dedans pour te faire connaître, tu peux être connu, puis les gens peuvent jouer avec ta réputation, peuvent jouer avec ton image, peuvent jouer avec bien des choses. Puis avoir le contrôle sur ça, c'est très difficile dans des médiums de même parce qu'il y a trop de volume. C'est le volume de gens qui va prédominer sur la réalité. Vous me suivez? Fait que la confusion peut venir sur le fait que une personne qui a une grande gueule, qui est bien connue sur Facebook, peut dire, ah ben moi j'aime pas ça, puis là tout le monde va aller dans son sens, parce qu'il y a bien du monde qui sont bien suivis là-dedans. Fait que, en tout cas, j'étudie le phénomène, j'étudie la façon dont les gens réagissent à ça. À date, la seule chose qui m'apparaît le fun à vivre, c'est ce qu'elle a fait avec Facebook, elle envoie des vidéos, des affaires de même. Fait que ça devient de l'information sans toucher à la personne qui le fait. Bon, ça. Des stimulus sensoriels, de l'information qui atteignent votre système de valeurs. C'est comme l'histoire du chien, moi, ça m'a créé de la confusion, ben, ça m'a créé un mal-être énorme. Tout ça, là, tu sais, qui a un élément percutant qui vous fait perdre contenance et qui vous déstabilise, c'est tous des éléments qui peuvent vous amener à faire des erreurs réflexes, des erreurs de conduite, des erreurs réflexes dans d'autres choses, vous couper avec un couteau, n'importe quoi. Et puis, c'est très, très important d'être capable de revenir à son centre de gravité, à revenir à sa réalité, à vous trouver un moyen d'être réel, donc de retrouver le plus réel qu'il est possible d'avoir, c'est votre corps, et éventuellement ben, d'avoir des repères dans vos mécaniques de travail, d'actualisation, parler, la communication. Moi, j'utilise beaucoup le cri quand je suis décentré. Je me lève le matin, là, puis je fais des rêves bizarres de ce temps-là. Je me mêlais avec des femmes vampires. Cette nuit, j'avais des affaires de zombies. Là. J'étais obligé de trouver une espèce d'antivirus pour régler... Tous mes chums devenaient zombies. C'était débile mental. Puis là, le matin, je vais me lever. Puis si j'embarque dans mon char puis je suis déstabilisé, je crie jusqu'à temps que ma voix ne fasse plus de... Tu sais, des espèces de cris là, qui manquent une coche. Là, il manque une corne. Puis là, je crie, puis là... Après ça, quand ma voix là, est bien stabilisée, là, que c'est un cri qui est réellement équilibré, là, je suis mon corps est centré. Chez vous autres, vous êtes trop moral pour faire des affaires de même, mais tout seul chez vous, là, dérangez-vous pas, là, si vous n'avez pas personne qui vous regarde ou qui vous entend. Vous pouvez essayer ça, c'est bon. Et puis ça élimine les... Moi, j'appelle ça de la confusion ambiante. Tu sais, c'est des climats que t'as, là, qui sont dans ton mental, puis qui viennent d'un effet orbital, où les chats partent, puis ils renversent un paquet d'affaires, là, puis ça tombe à terre. Un bon cri, là, ça te ramasse. Ça ramasse le chat aussi. La confusion des autres, c'est plus subtil. Parce que quand vous êtes placé avec des gens, puis qui sont confus, habituellement, ils sont décentrés. Moi, j'engueule l'autre, habituellement, pour qu'il se ressemble, pour qu'il choque, premièrement. C'est parce qu'en choquant, il va être obligé de se ramasser. La colère, ça vous ramasse. La rage, ça vous dilate. Mais si tu parles à quelqu'un fort, sans y faire perdre l'équilibre, il ne sera pas enragé, mais il va être en colère. Je fais ça souvent avec Jeannette. Je la ramasse, là. Puis là, quand elle redevient plus cohérente dans ses idées, là, je lâche. Mais si je pousserais, elle finirait par être enragée. Elle a certainement vécu une couple de fois, là, parce qu'elle n'est pas toujours en ma présence, puis elle doit penser à ce que j'ai dit, puis là, elle peut s'enrager. Mais là, c'est sous cette couverne. Si elle n'est pas capable de comprendre ce qui se passe quand elle est avec moi, puis qu'elle se ramasse, puis qu'elle commence à se dilater à l'extérieur, ça, c'est son problème. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans le principe d'aider un individu à se ramasser, c'est qu'il faut qu'il se ressente dans son corps et puis qu'il y a juste la colère qui est possible de vivre pour pouvoir te ramasser. Il n'y a pas d'autre chose. Bon, tu vas avoir les carabines, là, mais tu sais, tout le monde ne tire pas des gros calibres, puis ça donne pas un coup physique. Le point, c'est de toujours comprendre que la réalité ultime, c'est votre corps. Puis que si vous êtes capable de vous ramener au corps, vous allez avoir la base qu'il faut pour revenir centrique dans votre tête. Mais vous ne pouvez pas être centrique dans votre tête quand votre corps est sous l'effet d'une drogue ou l'effet d'un médicament ou l'effet de quoi que ce soit. Vous allez beau avoir à forcer votre mental à garder son focus, que le corps va jouer contre vous autres. Fait que là, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec un gars qui est drogué ou qui est sous l'effet de l'alcool? Il dilate indéfiniment, puis dilater, ça favorise la confusion. Donc, Il vient, évidemment, d'avoir le contrôle sur les effets qui dilatent votre corps, c'est le plus important que d'avoir de chercher à avoir du contrôle sur les effets qui contractent votre corps. Parce que contracter, c'est plus facile d'avoir les idées claires, mais pas trop, là. Faut pas en arriver à être étouffé par la contraction, là. Mais la contraction, moi, je sais bien que dans ma vie, quand j'arrive à l'automne, et puis les gens ont beaucoup, beaucoup dilaté dans le courant de l'été, comme un été comme 2014 qu'on a eu, là, parce que je date mon affaire. C'est quelqu'un qui écoute ça dans 4 ans, il va dire, ouais, on a eu un été de marde, ça marche pas. Ben, en tout cas, pour l'été 2014, les gens ont beaucoup dilaté parce qu'il a fait beaucoup de soleil. Alors, à l'automne, puis surtout avec les deux éclipses qu'on s'est tapées, je te dis que les bubites, les vers sortent de terre en maudit. Et que là, à ce moment-là, ben toutes les zones à conflit peuvent apparaître. Fait que si t'es pas capable de colère dans cette période-là, ou si t'es pas capable de te ramasser corporellement, ben là, t'es hautement exposé à des erreurs décisionnelles qui peuvent avoir des conséquences à long terme. Surtout si vous impliquez de l'argent ou si vous impliquez des projets de vie. Fait qu'il faut avoir un pouvoir décisionnel, mais un pouvoir décisionnel, c'est un pouvoir de concentration. Puis une concentration, il faut que ça donne un résultat. Tu peux pas décider sur quelque chose qui aboutit pas. Faut que tu décides sur quelque chose qui aboutit. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais comment tu peux avoir le contrôle sur l'événement? Tu n'as pas le contrôle sur l'événement, mais si tu es concentré, l'événement va se placer pour que ça soit ordonné. Tandis que si tu es dilaté, c'est quelqu'un d'autre qui peut ramasser l'énergie que tu mets dans quelque chose puis qui va le faire à ta place. Parce que lui, il a plus de concentration. Faut pas vous oublier, là, vous côtoyez des gens, hein. Fait que les gens, eux autres, vont absorber votre énergie ou, puis là, si vous allez dire, ah, je me fais vampiriser. Oui, c'est vrai. Dans un sens, tu fais vampiriser parce que si t'agis pas sur qu'est-ce que tu vibres, c'est quelqu'un qui va ramasser la vibration puis qui va le faire à ta place. Dans ce sens-là, les gens vous vampirisent parce qu'ils font des choses avant vous autres. Que vous autres, après ça, quand vous le regardez, vous dites, hey, il fait mes affaires. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, quand je travaille avec les gens, je donne une énergie pour qu'il y ait un pouvoir d'action. Pas un pouvoir de réflexion. Ça sert absolument à rien de réfléchir à quelque chose. Faites disparaître de votre vie les gens qui utilisent pas votre accompagnement puis votre perception, votre lecture des choses, s'ils n'agissent pas là-dessus. C'est des gens qui vous ont fait perdre du temps, de l'énergie, puis le kit. Puis en plus, ils vont se donner le crédit de l'acte, s'ils font comme vous l'avez dit, puis qui se dit, ah ben j'ai pensé à ça, t'as pas pensé à ça, c'est quelqu'un qui te met en vibration pour ça. Là. Comprenez-vous? Ouais, bonne question, s'il vous plaît. C'est quoi l'intelligence du double d'utiliser la confusion avec nous? Faut bien comprendre une chose, c'est que vous êtes des êtres qui ont un code ADN, vous avez une génétique qui vient de vos parents, vous êtes des produits de l'astral, vous êtes des êtres qui ont été dans l'astral, on vous a choisi un vêtement à l'esprit qui était dans l'astral. Il faut bien comprendre que votre corps, c'est une enveloppe à de l'esprit, puis qu'il faut qu'il se magasine une âme, donc une programmation de vie, pour pouvoir faire évoluer cette enveloppe-là, et donc l'âme, avec sa précision, son énergie, sa force de choses. Fait qu'il est quand même sujet, l'esprit, à devoir faire vivre à l'âme certaines expériences pour le, comme quelqu'un qui fait de la poterie, il est obligé de travailler sa terre pour arriver à la mouler, mettre de l'eau dedans, puis tu sais. Quand on dit mettre de l'eau dans ton vin, c'est parce que l'esprit est obligé de te faire vivre des choses qui sont peut-être pas dans le sens de ce que le pot va avoir l'air à la fin, mais il est là pour travailler un petit mouton qui est dedans. Il est obligé de pas s'occuper de la forme finale, puis de travailler sur le morceau, le grumeau, le problème qu'il y a là. Tu sais, fait qu'il y a des affaires des fois que l'esprit te laisse vivre dans le monde astral qui est pas qui n'est pas l'effet final recherché, mais qui est nécessaire temporairement pour pouvoir arriver à une prise de conscience. Fait que, il y a des expériences. Tu sais, c'est comme moi, des expériences de vie, j'avais une tolérance à en vivre, que là, j'ai moins de tolérance à en vivre. Donc, je peux plus me permettre de me donner 10 ans pour aller chercher un résultat. Donc, c'est plus concentré, c'est plus proche de la ligne finale, à court terme. Tandis que quand t'es plus jeune, ben, tu vas vivre beaucoup de confusion parce que tu as laissé rentrer beaucoup d'effets d'astral pour l'exploration, puis pour l'expérience, puis en dehors d'une compétence potentielle, tu sais. Là, conséquemment, ben c'est comme, tu sais, dans le fin fond de l'affaire, l'esprit laisse faire l'âme un certain temps pour éventuellement la corriger ultimement. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est ça qui peut être un élément de confusion pour, pas l'ego, mais pour l'âme, parce que l'âme a fini par penser que dans certaines situations de sa vie, elle a le contrôle. Mais c'est comme voulu par l'esprit pour voir comment que l'énergie de l'esprit, parce que finalement l'énergie, elle vient de ton esprit, elle vient pas de ton âme, c'est la matière morte, l'âme. Donc, elle veut voir comment l'âme traite avec le pouvoir, traite avec la puissance, traite avec un paquet d'éléments qui sont qualifiés temporaires, parce que l'esprit, c'est permanent. Elle veut voir comment que l'individu va travailler avec ça pour pouvoir faire les correctifs qu'il faut. Mais il faut que ça apparaisse, la problématique. Et puis la confusion, c'est un très bon moyen de faire apparaître les manques de l'être. Si t'es confus, c'est parce que t'es pas centré. Si t'es confus, c'est parce que tu crois à des choses. T'as des systèmes de valeurs. Les systèmes de valeurs peuvent être vrais dans un ensemble, mais pas réels pour ta personne. T'sais? Ils veulent voir si tu es capable de contenir un pouvoir qu'ils te donnent. Moi, ils m'ont donné le pouvoir de la parole. Bon, OK, c'est beau, mais ils l'utilisent comment? Et des fois, je trouve que je parle pas, c'est pas esthétique, ma façon de parler, là. Et puis, je me dis, ouais, je mérite-tu d'avoir du pouvoir? Mais c'est dans ma lecture que mon pouvoir se perfectionne. Mais dans mon expression, je peux comprendre que j'ai pas 2000 personnes dans une salle. Parce que j'ai pas le raffinement de la parole. J'ai le pouvoir de la parole, mais c'est un pouvoir pas raffiné. Donc, il y a des gens, eux autres, qui s'accrochent à la forme, puis ils vont dire, il y a pas un bel accent, ils sacquent, c'est ci, c'est ça. Et puis, là, ils vont me discarter, pas pour le travail du contenu, parce que si j'écris un livre, ça va être effacé, ça. Il y aura plus de tabernacle, puis de ça dans un livre. Fait que je m'enligne sur le livre pour corriger ce que j'ai pas dans la parole. Mais mon pouvoir de parole, il vient de mon pouvoir de lecture. Fait qu'ils m'ont donné le pouvoir de la lecture. Et ça, à partir de là, je peux écrire, je peux faire des vidéos, je peux faire du cinéma, je peux faire un paquet d'affaires. Mais j'ai pas grand temps pour le faire. Il me reste 10 ans, mettons, pour le faire. Mais je suis capable en 10 ans de... Ils m'ont dit que j'étais capable d'écrire 200 pages par mois. Fait que c'est beaucoup. Puis j'ai déjà fait proche de ça. Fait que je sais que c'est possible. Et puis, il y a des éléments technologiques. Aujourd'hui, tu parles, puis ça écrit à ta place. Là, c'est merveilleux. T'sais. Puis ça corrige les fautes en même temps que les écrits. C'est encore mieux. Excepté qu'il y a des mots que tu connais pas. C'est bon, Yann, là. C'est pas dans le dictionnaire. C'est tout des éléments qui font que vous êtes testé. Puis la confusion, c'est un moyen que l'esprit a pour laisser l'astral vous polariser suffisamment pour faire ressortir vos faiblesses. Si je le regarde d'un point de vue des forces, ça leur sert pour ça. Ils les savent, mais ils veulent vous le faire savoir en vous créant de la confusion. Parce que quand t'es confus, t'es pas centrique. Étant pas centrique, tu vas dire, comment tu fais, je suis pas centrique, je suppose avoir une source. Oui, la source, elle travaille pour te faire voir que t'es pas centrique, puis après ça, te le faire corriger. Comprends-tu? Puis dans des cas extrêmes, ils peuvent faire des petits miracles de temps en temps. OK. Moi, quand je fais l'évaluation de mes besoins dans ma vie, il y a ce que je voudrais, puis il y a ce qui me laisse faire. C'est toujours départagé comme ça. Question? Allez, gênez-vous pas, hein? Non, t'as pas. Il y a le bout que tu fais pour toi, puis il y a le bout que tu fais pour les autres. Si moi, je me contiens pour moi, j'ai une bonne chance de rentrer dans du bouillon de confusion chez d'autres personnes et de les ramener à la contenance nécessaire pour qu'ils puissent s'exécuter dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent plus qu'ils agissent. Et ils agissent pas parce que ils sont pas assez dans leur contenance pour pouvoir se projeter publiquement. Donc, tu as de la contenance pour toi, parfait. Tu n'écœures pas personne parce que tu n'as pas besoin de te communiquer. Mais si tu as beaucoup, beaucoup de contenance, c'est un élément d'échange important pour ton environnement. Tu sais, un gars comme toi qui a travaillé à toujours s'isoler pour pouvoir jamais se faire déséquilibrer, ben tu peux expliquer à des gens comment se trouver des moyens mentalement de s'isoler pour être au maximum de leur efficacité. Fait que tu deviens un exemple ou tu deviens un élément communicateur, donc un éducateur, parce que si tu communiques, tu éduques. Et puis, au-delà d'une contenance personnelle, ben, tu deviens un agent de contenance pour ton environnement. Puis là, ben, ça favorise le travail d'équipe. Moi, si je réussis à communiquer à des gens une lecture psychique, comme toi, tu l'as pas mal, ben, si j'avais un groupe de 10 personnes qui avaient ton niveau de communication, tabarnak, as-tu déjà pensé à tout ce que ça pourrait faire ça en équipe? C'est hallucinant, là. Même toi, là, si t'étais avec un groupe de gens chez Sima, là, que ton niveau de lecture, t'aurais une confiance dans le comportement des gens qui n'auraient pas de fond. Donc, c'est ça que ça va. C'est ça que ça fait quand tu as fini de t'occuper de toi. Ça devient un élément d'éducation pour l'environnement, soit par l'exemple, soit par le verbe, tout simplement. T'as répondu à ta question? Tu vois comment je peux répondre vite? Imagine-toi 10 personnes qui sont capables de répondre aussi vite que ça, tout le temps. Premièrement, on serait juste une équipe de vente, ça serait incroyable. Incroyable. On aurait le dernier mot dans tout le temps. On aurait des réponses sur tous les problèmes qui se présenteraient. Il y aurait une hésitation un petit peu. Tu dis à l'autre, qu'est-ce que ça te dit? L'autre te dit, ah, il me dit ça. Ah, ça me disait ça, moi, avec. Poup, poup. Hey, c'est confirmé. C'est confirmé par les forces deux fois. Une fois toi, une fois l'autre. Puis les autres disent, ah, là, je sais pas, gars, c'est bon, cette affaire. Hey, c'est hallucinant, là. Il n'y a plus de problème de crédit. Avoir du crédit, pas dans le sens de la banque nationale, là. Avoir du crédit, t'as le crédit de faire, tu crois que t'es capable. Non, c'est pas tu crois. T'es sûr d'être capable de faire quelque chose. Et des fois, les événements, ils déstabilisent d'aplomb, là. Et puis, tu dis à ton chum, tu dis, hey, qu'est-ce que ça te dit? Tu sais, là, il t'envoie une petite phrase, là. Puis, tu sais, quand tu as le contact, là, une petite phrase de quelqu'un, c'est un discours pour les nôtres, là. Moi, je peux même m'en faire dire long, là, tu sais, puis, whoop, whoop, ça part l'affaire, là. OK. Est-ce que la confusion est contraire de la contenance? Ben, quand tu es confus, tu te contiens pas, c'est sûr. Parce que là, t'es dans une ambiguïté, là. T'es pris entre la vérité puis la réalité. On part toujours du principe que la confusion, c'est une dynamique de confrontation entre la vérité et la réalité. Un système de valeur, c'est un système de vérité. Puis là, tu arrives dans la réalité, et puis c'est pas pareil comme la vérité. T'en passes des héritages dans les mains, toi? Hein? Non, mais tu dois voir qu'il y a des systèmes de valeur là-dedans. Puis que les gens qui s'accrochent à un système de valeur. Puis c'est tout je. Il n'y a rien qui... Tu sais, pour un héritage, c'est supposé être quand même pensé collectivement par les auteurs du texte. Puis les réalités de chacun ne sont pas une vérité commune. Bon, c'est ça le problème. Mais tu arrives avec des gens qui sont sur le contact, puis il y en a un, il dit, moi, vous autres, vous en avez assez, moi, j'ai besoin d'un peu plus. Puis les autres vont pas rentrer dedans, ils disent, ouais, c'est correct. C'est beau. Et puis de conflit. Confusion, c'est un conflit entre la vérité et la réalité. Les gens vrais, là, tiens-toi loin de ça, parce que la croyance vient du... Quand tu t'installes une vérité, tu es dans une croyance. Puis t'es pas loin de la conviction. Tu sais, quand un gars va tuer pour faire un djihad pour Allah, je suis pas sûr s'il consulterait Allah, voir si Allah dirait, écoute... Ça a changé un petit peu la société. On n'est plus dans les années 1500, là. Prends ton gaz égal, là. Oui, Allah, oui, Allah, oui, Allah. On est-tu d'accord qu'il a fallu que je me trempe dans beaucoup de profondes contradictions dans la vie pour pouvoir avoir une perception de la vie qui est plus exacte que celle qu'on entend dans les journaux? Oui, on est-tu d'accord à ce point-là? Oui. Donc, il a fallu que, quand j'étais allé tirer au cap, moi, là, j'allais dans toutes sortes de maisons, avec toutes sortes de classes sociales. Si tu es dans ton système de valeurs, tu as à peu près une semaine à vivre. Si tu es neutre, puis que tu traites avec ta réalité, qui est celui de faire de l'argent et de faire un bon tirage de cartes, tu t'en sors bien. Oublie pas, là, je faisais 1500 consultations par année avant de rencontrer Bernard. J'avais pas trop de problèmes à avoir du monde. Il fallait pas que tu sois confus, par exemple, parler d'avenir, puis revoir ce même monde-là, bien souvent, des 4-5 ans d'affilée. J'ai passé à travers dans ma vie en étant le plus réel possible, mais à pas entretenir des vérités. Tu sais, dans la vie, là, je faisais pas la morale aux gens, moi. J'ai pogné ça, j'avais 23-24 ans. Faut pas faire la morale aux gens. J'avais des groupes, là, j'allais dans les maisons privées, là, ça se faisait pas dans mon bureau. Il y avait pas de bureau dans ce temps-là, c'était pas légal. Okay. J'allais dans les maisons privées, j'avais des groupes d'homosexuels qui jouaient au strip poker. Fait, tu voyais le monde est bien rentrant, puis Chris à moitié tout nu, c'est-tu, quand tu sortais, là. Puis, hey, ça te tente-tu de venir avec nous autres? Non, non, non. Okay, tu sais, c'est comme, j'ai respecté une règle de vie qui était d'être neutre. Quand j'ai rencontré Bernard, j'étais déjà pas mal framé. J'aurais peut-être rencontré 10, 15 000 personnes là, dans mon travail. J'allais dans les régions, j'allais aux Îles-de-la-Madeleine, j'allais partout, moi, là. Fait que, tu sais, quand tu vas aux Îles-de-la-Madeleine, puis ça bouille, puis ça bouille, puis ça bouille, t'as pas grand-chose à lui dire. Vous allez boire, monsieur. Ah, ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, mais, tu sais, boire pour eux autres, c'était le quotidien, ça, là. Ça avait une caisse de bière dans le char, puis ils en prenaient une, quand une était finie. Ça pouvait boire deux caisses par jour en conduisant. Écoute, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, quelqu'un qui boit autant. Pas d'allure. Puis c'était toute l'île qui était de même, excepté les femmes. C'était hallucinant. C'était un système de valeur contre l'alcool. Moi, je buvais pas quand j'étais là. J'ai bu ma première bière avec des gars de la BAT pour signer un contrat pour le motocross parce que j'étais président de l'association. Ils ont dit, comment ça, du jus d'orange? Hey, une 50! C'est quoi ça, une 50? 50, c'est une la BAT? Ah oui? Hey, Chris, veux-tu l'avoir ton... Comment ils appelaient ça, là? Mon contrat pour les bourses, là, tu sais. Okay. Un sponsor, c'est ça. Mais c'est pas ça, on appelait ça une... Comment dire? T'as ça, là, t'es faite? Ouais. J'aurais jamais été capable de travailler dans ce milieu-là avec des préjugés, oublie ça. Une personne qui vit avec la vie, il faut que ça se passe de même, est toujours dans la merde. Tout le temps, tout le temps. Je regarde les femmes qui sont contre les hommes, ben tabarnak, tu vas te faire sécher le pinceau une estie de bout. Parce qu'un gars veut contrôler une relation. Tu laisses pas faire ça, oublie ça, t'es célibataire à vie. Bon, si tu veux vivre une vie de l'an 2300, en 2014, ou en 2005, ou en 1984, il faut que tu vives une vie selon les règles de la société. Si t'es pas prête, ben tu t'isoles, mais là, il faut que tu acceptes ta situation. Mais c'est parce que, comment tu fais... Toi, moi, je peux te donner une réponse, Jeannette, que tu ne seras jamais capable dans toute ta vie de le faire. Que moi, je suis capable de le faire, mais que moi, te le dire à toi comment je le fais, ça ne sert absolument à rien, parce que tu ne seras jamais capable de le faire. Je peux t'énumérer une série de choses que ça va être de la science-fiction pour toi, puis moi, ça va être d'une réalité. OK? Moi, le couple, j'ai discarté ça. Puis je me suis bâti une nouvelle façon de vivre un couple, qui est de vivre de présence de gens dans un événement. Je ne donne plus d'importance à un individu. T'es-tu capable de faire ça? La réponse, c'est non. Parce que t'es pas capable de lire la vie à partir d'un événement. Conséquemment, tu t'occupes à accuser des gens, alors que ces gens-là sont simplement des personnes dans une mise en scène. C'est un scénario monté où dans une pièce de théâtre, il y a des acteurs où il y a des acteurs qui sont là pour jouer différents rôles. Le bon, le méchant, le ci, le ça. T'es pas capable de lire là-dedans. Moi, oui. C'est devenu mon mode d'opération. Moi, que quelqu'un soit plafonné, c'est pas un problème. Il y a l'éternité pour régler ça. Il y a bien des corps. Il peut prendre 400-500 corps différents pour régler son problème. Question? Est-ce que l'humain peut naître confus? Non. Dans une programmation? Non, il n'a pas été éduqué. Non, c'est une question. Même chose. Je suis surpris que tu aies pensé à une question de même. Faut que tu aies deux sources d'information de contradiction. Regarde, une fois qu'il est né, tu lui donnes un bec et tu lui crées une claque dans la face. Ça va créer de la confusion. Parce que là, il y a deux signaux différents. T'as une femme qui veut être un homme quand t'es une femme. Oui. Ça va créer beaucoup de confusion. Elle ne traite pas avec sa réalité. T'en vois bien des hommes qui veulent être des femmes? Il y en a moins, hein? J'en ai connu beaucoup. Ouais, mais à part d'être homosexuel, là. Ben, j'étais maquilleuse, puis j'ai maquillé des drag queens, puis ça voulait peut-être être des... Oui, c'est des homosexuels. Oui. C'est ça que je te dis, là. C'est pas dans ta... Si, c'est parce qu'il y a une volonté d'être femme, mais à cause, c'est l'aspect sexuel, là. Ça, c'est des combinaisons de planètes, là. Tu peux reconnaître un homosexuel qui sait même pas qu'il est homosexuel, juste avec ses planètes, là. Ça. Question. Quand tu parles de la lecture inhabituelle, ça, c'est une lecture qui sort d'une lecture que, qui n'est pas dans tes normes. Non, qui n'est pas dans tes normes. Moi, inhabituel, pour moi, il faudrait vraiment que je sois avec un extraterrestre. Parce que j'ai pas une lecture d'un. J'ai pas la lecture. Je fonctionne pas avec une lecture typique du monde d'aujourd'hui. Pour ça, je dis tout le temps, je suis un homme du futur. Parce qu'éventuellement, les gens, pour arriver à faire le point dans de l'information comme tu as sur YouTube, Facebook, Twitter, cliquez, pour arriver à te faire une idée, tu ne pourras plus te faire une idée individuelle, personnelle de quelque chose. Tu vas être obligé d'avoir une lecture des événements. Les gens vont être obligés de passer à ça. Moi, pour faire le travail que j'ai fait, il a fallu que j'aie une lecture qui soit dégagée de l'émotion. Puis quand tu vois toutes les affirmations puis tous les comportements des gens sur des médias comme ça, ça va tout le temps titiller l'émotion chez les autres. Tout le temps. Oui, je sais, mais c'est que ça, les gens vont tomber malades. Puis un jour, les gens, ça va être prouvé que l'émotion, ça crée de la maladie, là. Quelqu'un me demandait hier une consultation téléphonique, c'est quoi qui fait le cancer? C'est la nostalgie. Quelqu'un qui est dans la nostalgie, il est garanti d'avoir un cancer dans sa vie. C'est sûr, sûr, sûr, sûr. Parce qu'il ne vit pas au présent, il vit dans un monde qui n'est pas accessible. Quand c'est fait, fini, terminé, passe à d'autres choses. Mais les candidats au cancer, c'est les nostalgiques. Avec les Elvis Presley, Mania, là, puis Taba Bell, là. Faut qu'il aime la musique pour la musique, mais faut pas qu'il aime l'époque de Elvis Presley, ces choses. Sinon, il tombe dans la nostalgie, puis tout le monde se fait rattraper par un temps qu'ils ont aimé ou pas aimé, puis qu'ils ruminent tout le temps. C'est du cancer, ça. C'est vraiment du cancer. Un cancer, la maladie, c'est un état mental, psychique, avant d'être physique, là. Tu sais, faut pas, toutes les maladies, les accidents, les mythes, là, tu sais, c'est tout lié à ça. Donc, le seul ticket que j'ai eu cette année, j'étais en calice, puis je ruminais de la guerre, là, où je suis guerrier de nature, fait que ça m'a coûté un ticket. Parce qu'en temps normal, les forces me le disent. Hein, fais attention, il y a une police là, pop, pop, pop, pop. Là, ils me l'ont pas dit, puis j'étais trop émotif. Ça parle pas, j'ai aucune communication quand je suis dans des états affectifs, émotifs. Jamais, jamais, ça rentre pas, puis c'est pareil pour vous autres. Vous autres, si vous vous dites, ah, ben, j'ai pas le contact, c'est dû à quoi? C'est parce que vous êtes dans les émotions. Automatique. Ces émotions, ça crée de la confusion. Ben, ça crée. C'est pire que ça. Ça crée de la méconnaissance. Ça t'empêche d'avoir accès à ce qui t'informe. Chris, ça peut même te couper de ta mémoire. Tu sais, quelqu'un va souffrir de telle affaire pour telle raison, puis Christ va se répéter. C'est quoi ton problème, Masti? T'as pas compris la première fois? T'en fous combien? T'attends quoi, là? T'attends de mourir? Ah, je veux mourir! Ben, c'est ça, ça s'en vient, lâche pas. de définition est créé par la confusion? Le manque de définition est créé par un regard qui fixe sur une façon de faire. Parce que tu as toujours une façon de faire pour vivre, puis quand tu répètes une situation qui demande à être évoluée, donc à être transformée, puis tu le fais pas, ben automatiquement, tu deviens confus parce que tu deviens lié à une vérité, tu n'es pas capable de passer à une réalité. Ça, c'est ton plus gros problème à toi, là. De défendre des choses qui ne sont pas défendables dans une réalité, mais qui sont défendables en partant d'un principe de vérité. Question? Quand on est avec une personne qui veut une confusion mentale, une réelle confusion mentale... Ben, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Ouais. Comment nous autres, on... comment agir? Ah, ben quand tu traites avec un fou, tu traites avec un âme complètement possédée par une entité. Voudrais-je me remettre dans une salle à vous faire des exercices, vous verriez que ce que vous appelez un ami, ça peut être bizarre des fois. Ça t'inclut. Parce que les peurs que tu as, c'est une peur qu'on te fait vivre. C'est pas quelque chose que tu veux vivre. Conséquemment, c'est une possession astrale. Mais ma question est, quand je peux être en contact avec une personne qui a une maladie mentale. Maladie mentale, pour moi, tous les gens qui sont astralisés et astralisables, sont tous des gens qui ont une maladie mentale. Mais ils ont assez de contenance pour apparaître comme... Tu sais, il y a du bon qui prennent l'alcool, puis ils prennent le retour, puis ils se font pas arrêter, ça veut-tu? Parce qu'ils contiennent assez bien l'alcool, ils ont bu, je sais pas, 7-8 bières, là, puis ils contiennent assez bien ça pour se rendre chez eux. Mais ils ont quand même calé 7-8 bières. Ils passent pas au détecteur, là, ils perdraient leur licence. Bon, mais il y a plein de gens sur la planète que vous avez autour de vous autres qui sont des malades mentales parce qu'ils vivent une sorte de possession astrale très profonde. Et qu'est-ce qui fait qu'on est en relation avec ces gens-là? Parce qu'on est en possédé aussi. Ben, le fait de la famille... Ce qu'elle donne comme réponse, c'est la bonne réponse. C'est parce que des familles, c'est très élargi, les familles. C'est pas juste ta famille, c'est un noyau de gens qui ont une disponibilité à cette forme d'astralisation-là. T'sais, j'ai réuni des jaloux ensemble, puis ils vont se rendre compte qu'ils sont plusieurs millions, OK? Puis que c'est pas nécessairement une génétique, mais c'est une ouverture à un état d'esprit qui permet... En fait, c'est un état d'âme, c'est pas un état d'esprit, puis que ça lui permet d'être jaloux, puis qu'ensemble, ils vont se conter des histoires de jalousie, puis ils peuvent être même jaloux que l'autre a une meilleure histoire que la leur. Okay. Ça va jusque-là, la jalousie. Quand c'est identifié, est-ce que... Ouais, mais il faut que ce soit des gars dans mon genre qui règlent ça, parce que ça peut pas se régler, il n'y a pas un psy qui peut régler ça, là. Parce qu'ils ont une lecture de l'autre qui est de l'homme. Mais c'est pas un homme qu'il faut que tu gères. C'est un état d'âme que la personne a à un moment donné qu'il faut que tu gères. Ça n'a aucun rapport avec la forme de l'individu, son rôle social ou quoi que ce soit. Tout le monde est plus ou moins possédé. Jusqu'à temps que le double prenne sa place. Quand le double prend sa place, et là, ça donne pas grand espace à l'âme parce que le taux vibratoire que tu as quand tu es sous le contact, l'âme n'est pas capable de supporter ça. C'est l'âme, son jeu, c'est de te faire penser en jeu. Fait que tant que le jeu est un mode d'opération naturel pour toi, tu es astralisable. Mais quand un gars comme moi va dire, bon ben là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pour un psy, je suis un fou, mais pour moi, c'est ça qui me garde en santé, pour ne pas être fou. Parce que je réfère à ma source, puis c'est pas encore dans le code des psys, ça. Les psys, eux autres, ils vont dire que t'es bipolaire. Mais ce qui est bipolaire, c'est d'avoir des réflexions dans la tête qui viennent pas de toi. Mm-hmm. Puis tant et aussi longtemps qu'on ne comprendra pas la mécanique de la source, donc de l'esprit dans l'être, tout le monde va considérer que réfléchir, c'est normal. Mais t'as pas à réfléchir. T'as pas à avoir de stratégie. T'as à faire ce que tu vibres. Ça change bien des règles dans l'armée, ça. Mais tu sais, c'est une place qui peut être profondément astralisable. C'est bien là où il y a bien des stratégies. Okay. Et pourquoi cette vibration est pas assez élevée pour chasser l'état? Vous ne seriez pas capable de vivre avec juste la vibration à l'échelle de millions de personnes raides là. Alors, c'est très fort une vibration. C'est très, très, très, très fort. C'est très profond. C'est des explications que l'intellect n'est pas capable de contenir. Vous êtes encore. Votre sécurité est très, très, très basée sur l'intellect, sur des moyens, des ressources matérielles. T'sais, une vie d'initié, c'est pas une vie qui s'attache à la forme, donc c'est une vie où la forme sert à une initiation. Et non pas l'initié. Tu peux pas te faire initier quand tu es confortable. C'est bien, toi, tu es plus difficile à initier que tout le reste que j'ai dans le groupe, parce que tout passe par la compréhension. Alors qu'une personne là qui est réellement dans la marque, là, elle est obligée de passer par l'action et non pas comprendre avant. Elle est obligée d'agir parce que si elle agit pas, elle est dans la marque, elle va mourir. Toi, tu peux avoir, avec ton lousse social, financier, etc., tu peux avoir le temps de t'expliquer les choses, mais ça marche pas de même, la conscience. La conscience, c'est pas quelque chose qui part de ta mémoire, ça part pas de ton expérience, ça part de quelque chose qui est totalement énergétique. C'est ça qui pour moi, est difficile à faire passer aux gens, de faire. Je peux même pas lui faire comprendre, faut qu'il le fasse. Je peux l'expliquer tant mieux que je peux, mais je suis à la limite, là. Là, je suis à l'étape de ma vie où je me rends compte que je travaille pour rien. Parce que les gens sont topés, puis ils peuvent pas faire autrement que d'être topés. Parce que c'est pas de la compréhension. C'est pas du « je connais ça ». C'est pas ça. Si tu vibres, puis tu le fais. Il faut que je sois avec des gens qui vibrent et qui font les choses. Je peux plus être avec du monde qui cherche, qui se donne du temps, puis qui gagne du temps par le biais de la compréhension. Pour ça, je sais que j'étais à la fin de mon cycle, là, au niveau de travail, j'entends. Ben, je m'adresse encore à l'intellect. Le travail, il se fait pas là. C'est pas là qu'il se fait le travail. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Y en a-tu qui comprennent ce que je dis? Toi, tu comprends-tu, Claude? Oui, conséquemment, ultimement, à long terme, comment que le terrorisme va disparaître? Comment? Comment que le terrorisme va disparaître? La force de l'esprit. Mais l'esprit, c'est sa vitesse. C'est vite, l'esprit. Tu sais, tu vibres quelque chose, tu comprends pas ce que tu fais, puis tu le fais. Tu viens de sauter une étape, là. Mm-hmm. Pour le monde, là, qui, tu sais, est chercheur, en science, ça te le dit en dedans, fais ça, puis pop, puis il fait, puis ça fait ça. Il sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. Je sais pas, ça risque de tasser ben des bebelles. Il y a bien des budgets, du coup, qui seront plus mis à la recherche. C'est quoi la nécessité de l'intellectuel? C'est juste après le singe. C'est juste après le singe. Non. Ah. Faut la différence entre ton animalité puis l'impression de ne pas être animal. Ben, ça change. On est capable d'organiser quelque chose collectivement. Des chats, t'es laisse tout seul, ils sont pas capables de s'organiser collectivement. Tu vas avoir plus de chance avec des fourmis. C'est ça. C'est pas dans le code génétique, ils s'organiseront pas. Les coyotes sont capables de s'organiser. Il y a même des chiens qui sont capables de s'intégrer à des meutes de coyotes, qui s'établissent une hiérarchie, puis... T'sais, ils ont leurs règles. Est-ce qu'il y a une échéance au monde intellectuel? Oui, on est dedans. Premièrement, on est dedans parce qu'ils sont obligés de mettre de la connaissance sur des disques, des supports matériels. Puis là, on est rendu au stage où il y a tellement d'informations qu'on sait très bien qu'on ne peut pas contenir toute cette information-là. Mm. Il faut des équipes de gens qui vont essayer de s'organiser. Mais pour s'organiser, il faut tout entendre. Il y a un conflit de personnalité émotionnelle entre un paquet de gens qui ont la responsabilité de scanner de l'information. Tu as passé le virus que ça installe dans le coco des gens, ça? Conflit de personnalité. Je t'aime pas à la face. Puis il faut qu'ils travaillent ensemble après pour s'entendre sur la résultante de cette recherche-là. Puis ils ont une recherche, puis ils interprètent, un musulman qui interprète une guerre, puis un Américain qui interprète une guerre. C'est deux interprétations différentes. Il y en a un qui met la soupe de la religion là-dedans, l'autre, il met ça, la soupe du pétrole puis de l'organisation financière internationale. Christ, on est dans deux mondes différents, pourtant c'est la même information. C'est ça qui va faire péter la patente, là. Tu veux dire qu'un jour, il y aura une science infuse, tout le monde sera... Oui, tout le monde va être sur le contact. Ça va être la seule façon d'arriver à avoir le consensus. Sinon, t'as pas de consensus, sacrément, ça finit plus. Puis tu mets la mémoire là-dedans, là, des mémoires de civilisation qui n'ont aucun lien. Genghis Khan avec l'Europe, les Visigoths, les Romains. Rien à faire avec ça. C'est pas une référence, ça, écoute. Un Visigoth puis Genghis Khan. À part de se servir d'une épée puis de massacrer tout le monde, là, c'est le seul point commun qu'ils ont. C'est pas de la culture, c'est pas du développement, c'est juste une façon de tuer. Là, on est rendu perfectionné pour la façon de tuer. Je me demande même si les bois-là, ça n'a pas été créé de toute pièce en laboratoire. Oui. Tu sais, que, en finale, Chris, tout ce qu'on pense, c'est tuer quelqu'un. Tu sais, c'est pas original. OK. Les prises de conscience, là, faut que ça aille plus loin que juste faire de l'histoire. Là. Oui, quand je fais un contact avec eux autres et qu'ils m'expliquent des affaires, c'est pas en tout de l'historique. Ça n'a aucun lien avec l'histoire. Les deux derniers rêves que j'ai faits, cette nuit et l'autre nuit d'avant, là, sacrement, il n'y a rien d'historique là-dedans. Hein. Mais ça repose sur une mythologie. C'est de donner corps aux pensées. Les pensées qu'on a, c'est que... C'est pas les pensées, c'est la vibration. Ouais. La pensée est trop tard rendue là. Il y a déjà une architecture là-dedans. C'est la vibration, il n'y a pas d'architecture. Puis ça descend dans une architecture. Puis ça peut expliquer l'architecture, parce que c'est à l'origine de l'architecture. C'est juste l'origine des choses qui peuvent expliquer les choses qui se font. Sais-tu comment communique un chat en te mettant sur sa vibration? Il ne parle pas, il sait qu'il ne peut pas communiquer. Mais il veut communiquer. Qu'est-ce qu'il fait quand il a faim? Il miaule, puis il t'amène au plat. Puis là, il se bloque devant le plat. Puis si tu ne comprends pas là, tu ne comprendras jamais. Hein? OK. Il se place tout le temps dans une position corporelle pour que tu le regardes et puis que tu vois qu'est-ce qu'il t'indique. J'ai une chatte qui a un rhume de cerveau. Quand elle vient, elle met sa tête sur mon menton, puis elle me pousse. Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai mal à la tête. Tu es capable de me guérir, j'ai mal à la tête. Ça me fait du bien la pression que je fais sur ton menton. Parce que c'est un cerveau qui est enflé. Et là, c'est comme si ça fait des compressions. Il y a un langage, mais il y a une vibration. La vibration, elle passe, le chat vient te voir, puis il fait ça. Fait que là, je commence à apprendre à communiquer avec mes chats. Puis c'est par vibration. La vibration étant à l'origine du geste et de l'action que l'animal fait. C'est ça l'avenir. Tu vas aller avec quelqu'un, tu ne parles pas la langue, puis la façon que tu vas te déplacer corporellement, un peu comme le langage des sourds. Tu sais, ils se parlent avec des gestes. C'est la même chose, même principe. Donc on va avoir un langage universel par vibration. On n'aura pas un apprentissage. Il n'y a pas de question. Dans le mot confusion, il y a le mot fusion. Mais juste avant, tu as contre et fusion. Oui, j'aurais une question, mais peut-être pas liée à la confusion. C'est le taux de violence qui augmente tout le temps par ce qu'on voit, etc. Est-ce que c'est... Tu as fait remarquer qu'il y avait autant de violence avant, excepté que ce n'était pas communiqué. Ce qui augmente, ce n'est pas la violence, c'est la communication de la violence. Okay, ben. On est plus informé. Mais quel effet ça fait pour l'état de la planète? Pour moi, c'est toujours la même planète qu'il y a 1 000 ans, 2 000 ans, 3 000 ans. C'est juste une planète qui est plus informée. Plus informée de ce qui est l'essence de la vie, mettons. Tu n'as pas vu le théorème zéro, hein? Mm-hmm. C'est vraiment là, entre la folie et le génie. Là. Je sais pas si c'est bon, mais il faut être patient pour aller jusqu'au bout. Vraiment patient. C'est malade en esti. Mais c'est pas... vous n'aurez pas de satisfaction à vivre sur une planète, peu importe la planète. Vous allez avoir une expérience à vivre sur une planète. Cherchez pas à avoir l'apothéose dans une planète. Elle a des règles. Tu suis les règles, tu réussis. Tu suis pas les règles, tu vas réussir ta vie, mais tu réussiras pas dans la vie. Moi, j'ai pas suivi les règles de la société sur tout son ensemble. J'ai favorisé le travail de l'individualité, mais j'ai payé le prix, je paye le prix encore parce que ça m'a différencié à des niveaux impensables par rapport au monde. Ce qui fait que je suis devenu un élément insécurisant pour les gens qui vieillissent. D'avoir des gens de 50 ans et plus dans mes salles, ça ferait un miracle, là, parce qu'habituellement, une personne qui a 50, 60 ans, elle s'auto-diplôme, puis elle dit, bon, ben moi, j'ai vécu ma vie, puis la vie, c'est ça. Tu sais? Puis d'aller venir voir un gars qui va te forcer à comprendre la vie, sur, ben forcer, non, pas vraiment, mais qui va te placer à regarder, exemple, la vie sur un autre angle que celle que tu regardes, c'est insécurisant pour l'ego. Ben, faut... Tu peux donner un risque. Tu sais, il y a quelque chose qui... T'as beau dire, « Wow, j'ai mon idée », mais ça reste qu'il y a des... Il y a un terme pour ça, là. Il y a des archétypes qui sont attaqués dans ma façon de parler. Tu sais, je m'attaque à l'archétype du couple, je m'attaque à l'archétype du vieillissement, de la valeur de la compréhension puis de la connaissance. Je m'attaque à des gros thèmes dans mon discours. Et c'est très, très, très insécurisant pour un ego qui, lui, pour lui, je ne sais pas, étudié, fait ci, fait ça, une expérience, puis qui va dire, ouais, mais là, pourquoi moi je remettrais en question ça? C'est une valeur sûre. Que les gens qui s'exposent à mon discours, ils sont exposés à de l'esprit qui s'attaque à de la connaissance. À leur esprit qui s'attaque à la connaissance. Je viens renforcer quelque chose qui t'a emmené ici. Tu veux pas venir ici. T'es emmené ici. Pas pareil. Il y a pas personne qui veut venir entendre ça. Mais il y a bien du monde qui sont obligés par leur esprit à venir là pour avoir un discours qui est différent de ce qu'ils ont dans les livres. Comprends-tu? Je suis même pas en accord avec les ésotéristes. Classiques, là. À la Glenn. Je suis même pas en accord avec eux autres. Il y a une lecture de la vie.